Instinct animal, basique, I speak, nice bitch. B2OVA, Bull B, South Beach. L'argent est gagné salement, les sommes sont colossales. Cheveux noirs dans mon thé allemand, ma magie coloniale. On t'aura tout de billets, fais pas la bête. J'ai de la fraîche, de la moula, du caramel. J'suis dans les airs, t'es dans les bouchons. Le game habite zéro, qu'à les portions. T'as un portefeuille à damier, mais t'as rien à damner. J'suis plus dangereux qu'un camé armé, qu'un camé armé. 9-2 illunatique, tu peux rien faire de mieux. J'suis de Niro dans Hit, sauf qu'à la fin j'pars sans la cheveux. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. J'dois faire du beef, de la moula, du caramel. Du caramel. Tout ça, c'est pas halal. Soit faire du beef, de la moula, du caramel. Du caramel. J'ai fait un rêve, beaucoup de racli. Cop Martin Luther King. Tu l'as dans ton buckly, je l'ai dans mon parking. Sans caramel, je fous quoi. Je suis à la barre, je suis coupable. Tu lâches ton amber ou quoi, hein. Tu veux baiser ou pas. Ma fétier boudienne, mon pis. Little Haiti, j'mange du lampi. L'arme de Jack au sol pour mes sauces morts. Leur cœur bat dans mes sauts morts. D-E-M-O-N, je vis la nuit. J'n'ai que des frères, j'n'ai pas d'amis. Bras à soldat, 9 de I. Heureux, malheureux, je pense à lui. Je pense à lui. Je pense à Daouda, Aruna, je pense à Will. Dans les rues du 9 de Easy. Musique à fond, je pense à Gil. Cheer. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. J'dois faire du beef, de la moula, du caramel. Du caramel. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. J'dois faire du beef, de la moula, du caramel. Classe, donc je ne copie pas. Gros chèque malgré échec scolaire. Pour monter au 7ème ciel, dois-je baiser une hôtesse de l'air. Ou deux, ou trois, t'es amour, gloire et beauté. J'suis haine, victoire et colère. Moi j'suis tard, les anciens, leur rap c'était pas mieux avant. J'm'en fous d'un magnum à ma table, j'l'aime mieux dans ma boîte à gants. La concurrence, père, Booba m'a tué du style en mourant. L'coup de rein est légendaire, ta baby mama est tout courant. Vous êtes comme Kenny de South Park, chaque épisode vous mourrez. J'aime bien les préliminaires, j'préfère les échauffourer. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. J'dois vivre de la moula, du caramel. C'est pas halal tout ça, c'est pas halal. J'dois faire du beef, de la moula, du caramel.